Glenarvan et ses compagnons remontèrent les abrupts sentiers du cône et se dirigèrent vers le tombeau qu'ils voulaient examiner. Chemin faisant, ils furent étonnés de surprendre, à de petits intervalles, comme un certain frémissement du sol. Ils savaient que cette région centrale, d'Ika Namaoui, est essentiellement volcanique. « Maintenant, à l'Oudoupa !» s'écria gaiement Paganel. « C'est notre forteresse, notre château, notre salle à manger. Personne ne nous y dérangera !» On suivit les mains Paganel. Lorsque les sauvages virent les fugitifs profaner de nouveau cette sépulture tatouée, ils firent éclater de nombreux coups de feu et d'épouvantables hurlements. À l'intérieur de l'Oudoupa, le sol disparaissait sous un tapis de feuilles vertes. Au centre, une légère extumescence trahissait la tombe fraîchement creusée. Là reposaient les armes du chef. « Mais ce qui ne sera plus utile encore, dit Paganel, ce sont les vivres et l'eau destinés à Kara Tété. » En effet, les parents et les amis du mort avaient bien fait les choses. L'approvisionnement témoignait de leur estime pour les vertus du chef. Il y avait des vivres suffisants à nourrir 10 personnes pendant 15 jours, ou plutôt le défunt pour l'éternité. Glenarvan rapporta les éléments nécessaires à ses compagnons et les confia aux soins de M. Olbinett. Paganel lui conseilla d'enfouir tout simplement ses fougères et ses patates douces dans le sol même. Une colonne de vapeur d'eau se dégagea. Le steward tomba à la renverse épouvanté. « Fermez le robinet !» cria le major. Tandis que Paganel, considérant de l'air singulier ce phénomène, murmurait ces mots. « Tiens, tiens, hé hé, pourquoi pas ?»« Attends de bienfaits du ciel !» s'écria Paganel. « Après l'eau et les vivres de Kara Tété, le feu de la terre !»« Mais c'est un paradis que cette montagne !»« Je propose d'y fournir une colonie. Nous serons les Robinson du Monganamu !»